bergère, toi qui prétends que mon paf est très long, que mon pâtre est fait long. De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière, Misère. Allez, allons-y. Mmh. Oh. Allô, bonjour Jean-Claude, ça va? À toi. À toi, mon frère, que j'ai aimé comme un père. Compagnon d'armes, morsion. Oh, oh, oh. C'est pas fini ce bazar? Bon, ça y est? Tout le monde.